oiseaux de mer. Nous allons bientôt partir pour l'Islande. Quand les vents du nord sera moins amer et quand le printemps fleurira la lande. Et les bons oiseaux leur ont répondu: voici le muguet et les violettes. Les vents sont plus doux, la brume a fondu. Partez aux marins sur vos goélettes. Vos femmes ici prieront à genoux. Elles vous seront constamment fidèles. Nous voudrions bien partir avec vous, s'il ne valait mieux rester auprès d'elles. Nous leur parlerons de votre retour. Nous leur dirons les gains d'une pêche. Comment la nuit et comment le jour, comment votre cœur bat sous la vareuse. Et nous les ferons renaître à l'espoir, tandis que les yeux tournés vers le pôle, elles s'en viendront tomber du soir. Pleurer deux à deux sur les bancs du monde.